kii nag boy laay la woon quoi, laay dafa réew réew réew ba nga di lu mu doon. Mu nekk classe, ñu nekk séance dessin, maître bi jox leen nga dim fi yooyu crayon de couleur, gomme, compas, lépp. Élèves yi nekk commencé di dessiner di dessiner di dessiner pendant 2 heures de temps. Laay daal jël crayon ñu tëpp benn point ci biir feuille bi toog quoi kalu. Heure rendre jot ñëpp di joxe, laay ñëw joxe feuille bi maître bi ne ko mu laay lii la ni, mu ne ko poobar